On va parler de golf, on va se réchauffer un peu. C'était l'assemblée générale hier du club de golf de Chibougamau. Habituellement, normalement, je pense que ça se fait au mois d'avril. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec Michel Lallemand, qui va revenir encore une fois cette année, j'imagine, comme chroniqueur. Salut, Michel! Bonjour, Denis! Michel, effectivement, l'année, c'était pour clôturer l'année 2018. J'imagine que c'était une très belle année parce qu'il a fait tellement beau que vous avez des répercussions là-dessus aussi, là. Oui, dans le fond, au niveau des conditions, c'est certainement un des plus belles étés qu'on a eu depuis plusieurs années. Du soleil pratiquement mur à mur, tout à partir du mi-juin, aller jusqu'à pratiquement la fin de septembre. Ouais. Mais les conditions étaient là. Par contre, au rendez-vous, un petit peu moins, probablement parce que beaucoup de belles températures qui ont favorisé aussi les autres activités estivales. Donc, somme toute, une année qui se compare, là, je te dirais avantageusement avec les bonnes saisons, mais pas à l'extrême non plus. OK. Parce qu'il faisait trop chaud, quoi. Il y a du monde qui... Oui, puis c'est généralisé. Si tu vas faire le tour des terrains de golf prochainement pour leur parler de leur année dernière, ils vont te dire que les après-midi ont été très peu achalandés. Okay. Beaucoup, beaucoup de chaleur. Donc, les gens ont préféré faire d'autres activités extérieures. Mais, somme toute, comme je te disais, c'est une bonne année qui, chez nous aussi, a été un bon succès. OK. Donc, ça se termine de combien? On finit avec un surplus après amortissement de 18 000 $. C'est une bonne saison. On est bien contents. Le club est en bonne santé financière. Le membership a été au rendez-vous. Cette année, on a eu une augmentation de 5 %, donc une dizaine de membres de plus. 190 membres chez nous, 150 adultes. À ce niveau-là, on est très, très satisfaits. OK. Puis ça, c'est déjà bon là, d'avoir une augmentation de nos jours, là, d'avoir une augmentation des clubs de golf. C'est déjà quand même pas pire. C'est autant des baisses. Oh oui, c'est ça que je te dis. C'est une très bonne année à ce niveau-là. Et on est chanceux parce que depuis 5 ou 6 ans, on va chercher une vingtaine de nouveaux membres. Malheureusement, on en perd également une vingtaine. Donc, on se maintient à l'entour de 185-190 membres. Pour un trou, c'est excellent. Beaucoup de relève au niveau de la jeunesse. Depuis 4 ans, on a un nouveau programme qu'on appelle la Ligue junior de golf. Okay. Donc, les jeunes sont plus encadrés, un peu comme une équipe de hockey, si on veut, avec un instructeur qui appelle des pratiques, qui appelle des parties, qui incite les jeunes à jouer plus. Donc, un beau développement aussi au niveau de la jeunesse à Chibougamau. OK. Si on y allait maintenant, je veux dire, puis du côté des hommes, qu'est-ce qui a fait la différence? L'augmentation, j'imagine qu'il y a des promotions agressives, quoi? On a une bonne promotion depuis 3 ans qu'on maintient. L'année dernière, on a ajouté un tarif spécial pour les travailleurs qu'on peut appeler travailleurs extérieurs, donc tous ceux qui ont des cédules 7-7 ou 14-14. On a eu un rabais intéressant. On est allé chercher tout près d'une dizaine de membres à ce niveau-là. Donc, ça incite les gens, même s'ils sont moins présents, à demeurer membres à Chibougamau. Donc, on est aussi bien satisfait de cette nouveauté. OK. Si on y allait du côté des parties Green Fee, c'est-tu pas pire aussi? Des parties journaliers, c'est-tu pas pire de ce côté-là? C'est stable chez nous. Dans le fond, c'est pas énorme comme apport monétaire, parce qu'on est quand même loin autant du Saguenay que de l'Abitibi. Puis au niveau local, c'est quand même bon. Donc, à ce niveau-là, depuis encore 4-5 ans, on se maintient. Puis on est près de nos objectifs. OK. Si on du côté, il faut dire aussi ce qui vous aide aussi, c'est la salle. Hein. C'est une grosse vache à lait pour vous. Là. Puis vous êtes la salle à Chibougamau, vous êtes pas vraiment la seule salle. Hein. Oui, c'est au niveau de nos infrastructures, c'est important comme revenu monétaire. Donc, comme tu le disais, on est en opération chez nous 12 mois par année. On a beaucoup, beaucoup d'activités au niveau de la période des fêtes. On a beaucoup de mariages, on a des événements sociaux, 2-3 activités par année, par semaine, toutes les semaines. Donc, un apport important qui nous permet d'offrir le golf à des prix très avantageux pour les membres. OK. Y a-t-il d'autres choses qu'on travaille? On travaille-tu d'autres choses sur la planche à dessin cette année, cet hiver? Chez nous, on va revoir notre plan quinquennal à l'automne. Donc, possiblement qu'on mettra l'accent beaucoup plus au niveau d'amélioration au niveau du terrain. Depuis quelques années, on a travaillé au niveau de la bâtisse, on a travaillé sur la machinerie. Ça fait quelques années qu'on a un petit peu moins d'action de mis au niveau du terrain. Donc, au niveau des prochaines années, fort probablement, ce sera un objectif que le prochain conseil d'administration mettra d'avant. OK. Y a-t-il des changements au niveau du conseil d'administration maintenant? On a du renouveau cette année. On a 5 membres de l'ancien conseil d'administration qui reviennent. Okay. Et les 2 nouveaux ajouts, ce sont 2 jeunes, fin de vingtaine, début trentaine. Donc, un souffle nouveau de la relève. Ça va nous permettre d'avoir, sentir le pouls des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent, vers quoi qu'on veut aller, quelles sont leurs attentes, quels devraient être nos objectifs de développement pour attirer cette clientèle. Donc, un ajout très important. On est bien heureux de leur venue sur le conseil d'administration. Les promotions sont, j'imagine qu'on commence déjà à peu près l'année 2019. Les promotions, est-ce qu'ils vont être en vente bientôt? Ouais, dans le fond, on va se pencher là-dessus avec le prochain conseil d'administration à notre réunion d'avril. Okay. Pour enligner la prochaine année et établir les stratégies de promotion puis de développement. OK. Ben, Michel, très intéressant encore une fois. Plaisir de se parler, pour plaisir de collaborer ensemble à partir du mois de mai. Ça nous fera toujours plaisir, Danny. Merci beaucoup de ta collaboration avec notre club. Michel Lallemand, le directeur général du club de golf de Chibougamau.